comme en 90. Si j'ai rêvé de connaître les derniers deals, mes bâtés de la ville, m'isoler sur une île, quitter sur le champ la ville, enquiller la poitise pour notre empire, dans des magiques, te nique ta mère comme en 90. Comme en 90. Comme en 90, retour aux sources, face au rap attitude, la formule secrète de Rockin' Squad dans mon écriture. J'écoute du rap depuis l'âge de 11 ans. Faut savoir tourner la page et évoluer dans le bon sens. Mais la rue, mec, c'est de la prison et de la carotte. J'ai ma belle étoile, mes couilles et l'amour de la daronne. Moi, je prends des risques un coup. Faut un glaçon à la place du cœur pour avancer dans la jungle. Je n'ai pas l'esprit suicidaire, moi, je crois en Dieu. Si j'appuie sur la cachette, c'est pour toi, mon vieux. On ne connaît toujours pas le visage de la bête. Une piété renforcée après pas mal de galères. La plume revendicative de Public Enemy. J'arrive posé comme l'album de Eric B. and Rakim. Tu voyages dans mon verbe comme Slick Rick. C'est pour les criquets sur le rinté, ceux qui bicravent toute la nuit. Kick le beat comme sauter à pieds joints sur la tête d'un bâtard. Big up Africa Bombata et Grand Master Flash. T'as peur de mes punchlines, de la drogue et des gueules là. C'est tech de faire du cash sale, surtout quand on n'a pas le choix. Penser, j'ai rêvé de connaître les derniers deals. M'évader de la ville, m'isoler sur une île. Quitter sur le champ la ville, enquiller la poitise pour notre empire. Dans des magic te nique ta mère comme en 90. Comme en 90. Comme en 90, j'arrive à la one again. Presque toutes les histoires se réglaient sans les guns. On ne voyait pas de gaines ni de gueuches dans les parcs. Je pose en guise dans des albums qui pètent dans les charts. Aucun petit graveur de crack sauf à Stalingrad. Dans la promenade du CJD, y'avait pas de caméra. Ni de gala de bienfaisance, ça braquait plutôt les pompes à essence. Demande à Esso du fort d'Aubert. En apnée entre les cuisses de Marianne, sous les feux de l'aurore, je pose mes couilles sur la table. Frappe les hooligans, skinhead. En galère, tu fermes ta gueule sans réclamer aucune aide. Pour les requins vicieux des gardes du Nord, les clans d'eau de Barbès et leurs couteaux. Les plaques dragons qui montent sur Châtelet. Les pragueurs de Vitré, les casse-béliers de Montreuil. Le Pilouga 125 méritait le coup d'œil. Comme en 90, si tu fumais, tu te faisais niquer. Donc tu squattais avec les potos, la MJC. Roule en scooter, les veaux au cœur de la TC. C'était la guerre froide entre la funk et la rap musique. On avait tous la haine de Kassovitz. On cambriolait les apparts au pied de piche du piche. On se faisait la courte échelle pour grimper sur les toits. Le lit 80 était le scout préféré d'autrefois. Eh ouais. 90 à 2006, les choses ne changent pas. Les grands frères vieillissent, les petits frères grandissent. Les peines de prison s'alourdissent. C'est des peines en 10 piges. Eh ouais. Avant le rap c'était rien. Aujourd'hui c'est tout ce qui nous reste. Et tu le sais. 2006. Le monde de demain nous appartient, comme disait Cool Cher. Penser, j'ai rêvé de connaître les derniers deals. M'évader de la ville, m'isoler sur une île. Quitter sur le champ la ville, enquiller la poitise pour notre empire. Dans des magiques, te nique ta mère comme en 90. Comme en 90. J'ai rêvé de connaître les derniers deals. M'évader de la ville, m'isoler sur une île. Quitter sur le champ la ville, enquiller la poitise pour notre empire. Dans des magiques, te nique ta mère comme en 90.